Je suis heureuse de pouvoir ouvrir ces échanges aujourd'hui, malgré ce qu'on appelle, et ce que j'ai découvert en arrivant, un emploi du temps, un agenda de ministre. Je devrais malheureusement vous quitter parce que vous le savez, il y a, vous le savez peut-être pas, c'est normalement c'est le mercredi, mais compte tenu du déplacement du président hier en Corse, le Conseil des ministres est aujourd'hui à 10h. Mais pour autant, je tenais absolument à être présente aujourd'hui. Merci, cher Patrick Bernasconi, Monsieur le Président, chères mesdames et messieurs, chers amis. J'avais appelé de mes voeux cette matinée d'échange, en fait, il y a quelques jours à peine, puisque c'était mi-janvier, car je crois à la nécessité d'avoir un débat ouvert sur la politique des archives. Je tiens de nouveau à vous remercier, cher Patrick, d'accueillir cette rencontre. C'est vrai que c'est ici un lieu d'échange, je l'ai testé encore récemment, et je crois que c'était vraiment fondamental de pouvoir se rencontrer et d'être réunis en un tel lieu qui symbolise ces échanges. Et je souhaite que ceci marque le début d'une réflexion large et ouverte sur les questions que vous allez vous poser aujourd'hui. Une réflexion dans laquelle toutes les voix auront la place. Celle des archivistes, évidemment, et vous êtes nombreux à représenter dans cette salle. Celle des historiens, des généalogistes, vous êtes les premiers à exploiter cette matière vivante et vous lui donnez tout son sens, et bien sûr, celle des citoyens. Parce que la politique des archives nous concerne tous, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu qui touche au cœur de notre démocratie, au cœur de notre nation, car c'est une partie de notre mémoire collective qui se décide dans la façon dont nous sélectionnons, conservons, valorisons tel ou tel document. C'est une partie de notre culture commune, de notre identité. C'est notre rapport à l'histoire qui se joue dans cette politique. Que voulons-nous transmettre ? Que devons-nous transmettre ? C'est notre rapport à l'avenir. Que voulons-nous laisser ? C'est notre rapport à nous-mêmes. Quelle mémoire jugeons-nous utile pour ceux qui ne sont pas encore nés ? Ces questions, beaucoup d'entre vous se les posent chaque jour, je le sais, elles sont le quotidien de tous les archivistes et aujourd'hui, je voudrais que cette question fasse l'objet d'un débat de société. Alors je vous le dis maintenant, pour ceux qui sont inquiets, ce ne sera pas un débat budgétaire et ce ne sera pas un sujet pour le programme de réforme gouvernementale Action publique 2022 dans lequel mon ministère est engagé par ailleurs. L'enjeu dans cette modernisation de la politique des archives, ce n'est pas la réduction des dépenses publiques, ce n'est pas la rationalisation du bâti. Nous ne ferons pas d'économies sur notre mémoire. L'enjeu, c'est la pertinence et l'efficacité de la politique que nous menons pour la postérité. Des critères et des principes existent qui gouvernent la politique des archives conduite par les collectivités publiques. Je voudrais que nous puissions les rappeler, les réinterroger collectivement. Pourquoi ? Parce que les grandes lignes de cette politique ont été posées il y a près de 40 ans maintenant par la loi de 1979. Et le monde change, le monde a changé. Or, quand le monde change, et il change en profondeur depuis 40 ans, la façon de l'appréhender change aussi, doit changer. Je sais que les archivistes sont les premiers à vouloir conduire cette réflexion. Et le cadre actuel pose un certain nombre de questions et de difficultés. Je sais d'abord le décalage qui peut exister entre les circulaires et les réalités du terrain. Je sais que les instructions données par les textes sont parfois inadaptées, voire inapplicables. Certaines règles sont trop rigides, laissant très peu de marge à l'appréciation des professionnels. Certaines instructions sont obsolètes, d'autres font défaut dans des champs où la documentation est montée en flèche depuis 40 ans, comme l'écologie. Et je dois écouter et entendre ceux d'entre vous qui considèrent que certains critères sont devenus inopérants ou inefficaces et qui conduisent les archivistes que vous êtes pour beaucoup à conserver des documents qui pourraient être laissés de côté. Votre travail est fondé sur un principe, la sélection, et non celui de l'exhaustivité. Mais les critères de la sélection évoluent et avec eux, les documents conservés. Ce qu'on interroge au fil des époques, ce sont les priorités scientifiques, administratives ou mémoriel. Ensuite, la gestion des archives doit être interrogée parce que le numérique a changé la donne. Il ouvre des opportunités, vous l'avez dit. Il pose aussi de nouveaux défis, car il est à l'origine d'une inflation sans précédent des volumes à traiter. Et parmi les questions posées, il y a celle aussi des archives privées, présentant une valeur mémorielle évidente pour notre société, celle des associations, des mouvements politiques et des syndicats, par exemple. Je ne préjugerai de rien aujourd'hui, mais la question mérite d'être posée. L'État a commencé déjà ces dernières années à ouvrir sa politique de collecte des archives, à ses archives, et nous devons réfléchir à la suite que nous voulons donner à cette approche. Sur tous ces sujets, je souhaite que l'on puisse conduire ensemble une réflexion d'avenir. Je souhaite que l'on puisse questionner les priorités qui sont aujourd'hui données en matière de collecte. Alors comment faire ? En faisant de cette question un débat de société, en permettant aux différentes parties prenantes de s'exprimer. Nous allons écouter ceux qui font, les archivistes. Une plateforme de consultation va être lancée entre avril et juin cette année et tous les archivistes de la sphère publique seront invités à y contribuer. Je souhaite que vous puissiez faire état des difficultés que vous rencontrez dans votre travail quotidien et des pistes que nous pourrions, d'évolution que nous pourrions et que vous pourriez surtout imaginer. Je souhaite aussi que nous puissions écouter ceux qui exploitent les archives au quotidien, les historiens, les chercheurs. Vous êtes plusieurs dans la salle, votre éclairage est essentiel. Je souhaite que vous puissiez vous exprimer dans un cadre dédié. Je vais donc appeler le Conseil supérieur des archives à créer une nouvelle sous-commission qui rassemble historiens et archivistes pour que vous puissiez débattre de ces questions. Mesdames et messieurs, chers amis, l'année qui s'ouvre doit être une grande année de réflexion, d'échange, de concertation. Je vous propose aujourd'hui que nous nous donnions rendez-vous dans un an. C'est du temps. Je viendrai vous présenter à la fois les résultats de la consultation que nous allons conduire auprès des archivistes et les grands axes qui auront pu sortir des échanges au sein du Conseil supérieur des archives. Ce débat, évidemment, doit avoir lieu. Il doit avoir lieu sereinement, loin des contraintes et des pressions. Et je m'en porte garante. Je vais lui donner le temps nécessaire et je veux que les différentes voix, les différentes approches puissent le nourrir. Et cette matinée d'échange est un moment de ce débat. Ce ne sera pas le seul, ni le dernier, mais je me réjouis d'ores et déjà de votre présence nombreuse, parce que je sais que vous venez de loin, vous n'avez pas été bloqués par les intempéries, vous êtes nombreux et multiples et divers, et je me réjouis d'ores et déjà de votre présence nombreuse, et je vous souhaite donc de fructueux échanges. Merci à vous, et bon débat, bonne matinée, je ne sais pas jusqu'à quand ça dure, mais toute la journée, toute la matinée. Bons échanges, je pars à mes nécessaires fonctions, mais en tout cas j'étais très heureuse de pouvoir prendre ce temps, vous dire cela, la nécessité du débat, le temps et de travailler sans a priori. Merci.